Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En quelque sorte, il s'agit de la vie, elle commence sans doute par la naissance, de la vie d'un homme nommé Jacques Cormery. Prénom et nom de roman, d'un roman posthume. Il devait paraître plus de 30 ans après la mort de son auteur. C'est un garçon. Et quel garçon? Et quel homme? Et quel écrivain il deviendra? Texte nu, choisi et lu par Françoise Fabian, enregistré dans le cloître de l'Hospice Saint-Louis à Avignon, présenté par Claude Santelli, première diffusion sur France Culture le 6 octobre 1994. Le 4 janvier 1960, Albert Camus rencontrait face à lui un arbre qui était sa mort. Vous savez sans doute qu'on a trouvé dans les débris de la voiture un manuscrit qui était un très long roman, récit, mémoire, inachevé ou achevé, qui peut le dire, texte qui vient d'être publié, où il y a des manques, des mots, de temps en temps absents, et où le souffle, semble-t-il, du souvenir et de l'inspiration chez lui a comme expulsé les virgules et la plupart des points. C'est un texte qu'on n'aura pas fini de lire de longtemps. Camus n'était pas dans le théâtre pour finir. C'est peut-être quelque chose qui nous manque à nous. Nous, gens de théâtre, j'ose dire, nous entendons toujours sa voix de prophète timide, je dirais, nous dire dans les coulisses « Le théâtre, c'est ça !» Non, le théâtre, c'est ça. Non. Et puis il ajoutait, je m'en souviens fort bien, ça m'était un peu personnellement destiné, c'est pour ça que j'ose le dire. Il disait, et puis soudain, il y a un acteur qui monte sur le tréteau, les jambes écartées, les bras levés, et cette fois, le théâtre est là. Avec cette modestie et cette grandeur. Et ce message d'amour, d'enfance, de chaleur, de soleil, d'angoisse, cette quête de la lumière et de l'humanité, il fallait passer par une comédienne pour vous le transmettre d'abord. Françoise, bien sûr, la plus... Qu'est-ce que je vais dire ? La plus éclatante et la plus discrète des comédiennes, la plus magnifique et la plus mystérieuse, qui est largement digne de cette voix, qui a renoncé à ses grands plateaux pour un soir. Je me souviens encore un souvenir, pardonnez-moi, je la vois, dans Agrippine déjà, arpenter cet immense plateau de Vaison-la-Romaine, et dans les voiles d'Yvonne Sassino que le Mistral enflait, on aurait dit un navire de haut bord. Elle est là, elle a déjà, avant de parler, la ville d'Alger et son soleil dans la tête, et cette enfance comme celle de Camus, cette enfance algéroise doublement perdue. Il n'y avait qu'elle pour nous donner la voix d'Albert Camus. Au-dessus de la carriole qui roulait sur une route caillouteuse, de gros et épais nuages filaient vers l'est dans le crépuscule. 3 jours auparavant, ils s'étaient gonflés au-dessus de l'Atlantique, avaient attendu le vent d'ouest, puis s'étaient ébranlés lentement d'abord et de plus en plus vite, avaient survolé les eaux phosphorescentes de l'automne droit vers le continent, s'étaient effilochés aux crêtes marocaines, reformés en troupeaux sur les hauts plateaux d'Algérie, et maintenant, aux approches de la frontière tunisienne, essayaient de gagner la mer tyrrhénienne pour s'y perdre. Après une course de milliers de kilomètres au-dessus de cette sorte d'île immense, défendue par la mer mouvante au nord et au sud, par les flots figés des sables, passant sur ce pays sans nom, à peine plus vite que ne l'avaient fait pendant des millénaires les empires et les peuples, leur élan s'exténuait et certains fondaient déjà en grosses et rares gouttes de pluie qui commençait de résonner sur la capote de toile au-dessus des 3 voyageurs. La carriole grinçait sur la route assez bien dessinée, mais à peine tassée. Les 2 petits chevaux avançaient cependant régulièrement, bronchant à peine de loin en loin, le poitrail en avant pour tirer la lourde carriole chargée de meubles, rejetant sans trêve la route derrière eux de leurs 2 trots différents.

On arrive, dit l'homme dans la direction de sa femme. Elle était pliée en deux, le visage dans ses bras. Lucie, dit l'homme. Elle ne bougeait pas. L'homme la toucha de la main. Elle pleurait, sans bruit. Il cria en détachant les syllabes et en mimant les paroles. « Tu vas te coucher ! J'irai chercher le docteur !» L'arabe les regardait, étonné. « Elle va avoir un petit enfant, dit l'homme. Il y a un docteur au village ?»« Oui, je vais le chercher si tu veux. »« Non, toi tu restes à la maison, tu fais attention, moi j'irai plus vite. » L'arabe dit à la femme, « Tu auras un garçon, qu'il soit beau. » La femme lui sourit sans paraître comprendre. « Elle n'entend pas, dit l'homme. À la maison, tu cries fort et tu fais les gestes. » La voiture roula soudain, presque sans bruit. La route était devenue plus étroite et couverte de tuf. Une forte odeur de moût de raisin venait à leur rencontre. Ils dépassèrent de grands bâtiments aux toits surélevés et les roues écrasèrent le mâche-fer d'une sorte de cour sans arbres. Les chevaux s'arrêtèrent et l'un d'eux s'ébroua. L'arabe désigna de la main une petite maison blanchie à la chaux. Une vigne grimpante courait autour de la petite porte basse, dont le pourtour était bleui par le sulfatage. L'homme sauta à terre et sous la pluie courut vers la maison. Il ouvrit, la porte donnait sur une pièce obscure qui sentait l'âtre vide. L'arabe qui suivait marcha droit dans l'obscurité vers la cheminée et, grattant un tison, vint allumer une lampe à pétrole qui pendait au milieu de la pièce au milieu d'une table ronde. L'homme prit à peine le temps de reconnaître une cuisine chaulée avec un évier carrelé de rouge, un vieux buffet et un calendrier détrempé au mur. Un escalier recouvert des mêmes carreaux rouges montait à l'étage. « Allume du feu, » dit-il, et il retourna à la voiture. La femme attendait sans rien dire. Il la prit dans ses bras pour la mettre à terre et la gardant un moment contre lui, il lui renversa la tête. « Tu peux marcher ?»« Oui, » dit-elle. Et elle lui caressa le bras de sa main noueuse. Il l'entraîna vers la maison. L'arabe avait déjà allumé le feu et le garnissait de sarments de vigne avec des gestes précis et adroits. Elle se tenait près de la table, les mains sur son ventre, et son beau visage renversé vers la lumière de la lampe était maintenant traversé de courtes ondes de douleur. Elle ne semblait remarquer ni l'humidité ni l'odeur d'abandon et de misère. L'homme s'affairait dans les pièces du haut. Puis il apparut dans le haut de l'escalier. « Viens, » dit l'homme. L'arabe le rejoignit. Puis on le vit surgir de dos portant un matelas que l'homme tenait à l'autre bout. Ils le placèrent près de la cheminée. L'homme tira la table dans un coin pendant que l'arabe remontait à l'étage et redescendait bientôt avec un traversin et des couvertures. « Couche-toi là, » dit l'homme à sa femme. Et il la conduisit vers le matelas. Elle hésitait. On sentait maintenant l'odeur de crin humide qui montait du matelas. « Je ne peux pas me déshabiller, » dit-elle en regardant autour d'elle avec crainte, comme si elle découvrait enfin ces lieux. « Enlève ce que tu as dessous, » dit l'homme. Puis à l'arabe, « Merci, détale un cheval, je le monterai jusqu'au village. » L'arabe sortit. La femme s'affairait, le dos tourné à son mari, qui se détourna aussi. Puis elle s'étendit, et dès qu'elle fut allongée, ramenant les couvertures sur elle, cria, une seule fois, longuement, à pleine bouche, comme si elle avait voulu se délivrer d'un coup de tous les cris que la douleur avait accumulés en elle. L'homme, debout près du matelas, la laissa crier. Puis lorsqu'elle se tut, se découvrit, mit un genou à terre et embrassa le beau front au-dessus des yeux fermés. Il se recouvrit et sortit alors sous la pluie. Le cheval dételé tournait déjà sur lui-même. « Va chercher la selle, » dit l'arabe. « Non, laisse-lui les rênes, je le montrerai comme ça, rentre les mâles et les affaires dans la cuisine. Tu as une femme ? Elle est morte, elle était vieille. Tu as une fille ? Ah non, grâce à Dieu, mais j'ai la femme de mon fils. Dis-lui de venir. Je le ferai, va en paix. » L'homme regardait le vieil arabe immobile sous la pluie fine et qu'il lui sourit sous ses moustaches mouillées. Lui ne souriait toujours pas, mais il le regardait de ses yeux clairs et attentifs. Puis il lui tendit la main que l'autre prit à l'arabe du bout de ses doigts qu'il porta ensuite à la bouche. L'homme se retourna, marcha vers le cheval, sauta accru sur son dos et s'éloigna d'un trot pesant. Au sortir du domaine, il prit la direction du carrefour d'où ils avaient aperçu pour la première fois les lumières du village. Elles brillaient maintenant d'un éclat plus vif, la pluie s'était arrêtée de tomber.

la patronne de la cantine était à genoux. Elle tordait au-dessus d'une cuvette une serviette d'où dégouttait de l'eau rougie. À droite, assise en tailleur, une femme arabe dévoilée, tenait dans ses mains, dans une attitude d'offrande, une deuxième cuvette d'émail un peu écaillée où fumait de l'eau chaude. Les ombres et les feux de la cheminée montaient et descendaient sur les murs de chaux, les colis qui encombraient la pièce, et de plus près encore, rougeoyaient sur les visages des deux gardes et sur le corps de la malade engoncé sous les couvertures. Quand les deux hommes entrèrent, la femme arabe les regarda rapidement avec un petit rire, puis se détourna vers le feu, ses bras maigres et bruns offrant toujours la cuvette. La patronne de la cantine les regarda et s'exclama joyeusement « Plus besoin de vous, docteur, ça s'est fait tout seul !» Elle se leva et les deux hommes virent, près de la malade, quelque chose d'informe et de sanglant, animé d'une sorte de mouvement immobile où sortait maintenant un bruit continu, semblable à un grincement souterrain presque imperceptible. « On dit ça, » dit le docteur, « j'espère que vous n'avez pas touché au cordon. »« Non, » dit l'autre en riant, « il fallait bien vous laisser quelque chose. » Elle se leva et céda sa place au docteur qui masqua le nouveau-né aux yeux de Cormery restés sur la porte et qui s'était découvert. Le docteur s'accroupit, ouvrit sa trousse, puis il prit la cuvette des mains de la femme arabe qui se retira immédiatement hors du champ lumineux et se réfugia dans l'encoignure sombre de la cheminée. À ce moment, la malade redressa la tête et vit son mari. Un merveilleux sourire vint transfigurer le beau visage fatigué. Cormery avança vers le matelas. « Il est venu !» lui dit-elle dans un souffle. Elle avança la main vers l'enfant et se laissa aller en arrière. La pluie redoubla à ce moment sur le toit de vieilles tuiles. Le docteur s'affaira sous la couverture, puis il se redressa et sembla secouer quelque chose devant lui. Un petit cri se fit entendre. « C'est un garçon, » dit le docteur, « et un beau morceau. » « En voilà un qui commence bien, » dit la patronne de la cantine, « par un déménagement. » La femme arabe dans le coin rit et frappa deux fois dans ses mains. Cormery la regarda et elle se détourna, confuse. « Bon, » dit le docteur, « laissez-nous un moment maintenant. » L'homme sortit. Sous la vigne, l'arabe, toujours couvert de son sac, attendait. Il regarda Cormery qui ne lui dit rien. « Tiens, » dit l'arabe, et il tendit un bout de son sac. Cormery s'abrita. Il sentait l'épaule du vieil arabe et l'odeur de fumée qui se dégageait de ses vêtements, et la pluie qui tombait sur le sac au-dessus de leur tête. « C'est un garçon, » dit-il sans regarder son compagnon. « Dieu soit loué, » répondit l'arabe, « tu es un chef. » L'eau venue de milliers de kilomètres tombait sans discontinuer devant eux sur le mâchefer, creusée de nombreuses flaques, sur les champs de vignes plus loin, et les fils de fer de soutien brillaient toujours sous les gouttes. Elle n'atteindrait pas la mer à l'est, et elle allait inonder maintenant tout le pays, les terres marécageuses près de la rivière et les montagnes environnantes, l'immense terre quasi déserte, dont l'odeur puissante revenait jusqu'aux deux hommes serrés sous le même sac, pendant qu'un faible cri reprenait par intervalles derrière eux. Tard dans la nuit, Cormery étendu en caleçon long et tricot de corps, sur un second matelas près de sa femme, regardait les flammes danser au plafond. La pièce était maintenant à peu près rangée. De l'autre côté de sa femme, dans une corbeille à linge, l'enfant reposait sans bruit, sauf parfois de faibles gargouillis. La pluie s'était arrêtée. Le lendemain, il faudrait se mettre au travail. Près de lui, la main déjà usée, presque ligneuse de sa femme, lui parlait aussi de ce travail. Il avança la sienne, la posa doucement sur celle de la malade, et se renversant en arrière, ferma les yeux. L'éclat d'obus qui avait ouvert la tête de son père était dans une petite boîte de biscuits, derrière les serviettes dans l'armoire, avec les cartes écrites du front, et qu'ils pouvaient réciter par cœur dans leur sécheresse et leur brièveté. « Ma chère Lucie, je vais bien, nous changeons de cantonnement demain. Fais bien attention aux enfants, je t'embrasse, ton mari. » Oui. Au fond de la même nuit où il était né au cours de ce déménagement, émigrant, enfant des migrants, l'Europe accordait déjà ses canons qui devaient éclater tous ensemble quelques mois après, chassant les Cormery de Saint-Apôtre, lui vers son corps d'armée à Alger, elle vers le petit appartement de sa mère dans le faubourg misérable, portant dans ses bras l'enfant gonflé des piqûres de moustiques de la sébouse. Ne vous dérangez pas, mère, quand Henri reviendra, nous repartirons. Et la grand-mère, droite, les cheveux blancs tirés en arrière, les yeux clairs et durs, « Ma fille, il va falloir travailler. » Il était dans les zouaves, oui, il avait fait la guerre au Maroc. C'était vrai, il l'avait oublié. 1905, son père avait 20 ans. Il avait fait, comme on dit, du service actif contre les Marocains. Jacques se souvenait de ce que lui avait dit le directeur de son école lorsqu'il l'avait rencontré quelques années auparavant dans les rues d'Alger. Monsieur Levesque avait été appelé en même temps que son père. Il avait mal connu Cormery, selon lui, car ce dernier parlait peu. Dur à la fatigue, taciturne, mais facile à vivre et équitable. Une seule fois, Cormery avait paru hors de lui. C'était la nuit, après une journée torride, dans ce coin de l'Atlas où le détachement campait au sommet d'une petite colline gardée par un édifice, un défilé rocheux. Cormery et Levesque devaient relever la sentinelle au bas du défilé. Personne n'avait répondu à leurs appels. Et au pied d'une haie de figuier de Barbarie, ils avaient trouvé leurs camarades, la tête renversée, bizarrement tournée vers la lune. Et d'abord, ils n'avaient pas reconnu sa tête, qui avait une forme étrange. Et c'était tout simple, il avait été égorgé. Et dans sa bouche, cette boursouflure livide était son sexe entier. C'est alors qu'ils avaient vu le corps aux jambes écartées, le pantalon de zouave fendu, et au milieu de la fente, dans le reflet cette fois indirect de la lune, cette flaque marécageuse. À 100 mètres plus loin, derrière un gros rocher cette fois, la deuxième sentinelle avait été présentée de la même façon. L'alarme avait été donnée, les postes doublés. À l'aube, quand ils étaient remontés au camp, Cormery avait dit que les autres n'étaient pas des hommes. Levesque, qui réfléchissait, avait répondu que pour eux, c'était ainsi que devaient agir les hommes, qu'on était chez eux et qu'ils usaient de tous les moyens. Cormery avait pris son air buté, peut-être, mais ils ont tort. Un homme ne fait pas ça. Levesque avait dit que pour eux, dans certaines circonstances, un homme doit tout se permettre et tout détruire. Mais Cormery avait crié comme pris de folie furieuse. Non, un homme, ça s'empêche. Voilà ce que c'est un homme. Ou sinon... Et puis il s'était calmé. Moi, avait-il dit d'une voix sourde, je suis pauvre. Je sors de l'orphelinat. On me met cet habit. On me traîne à la guerre. Mais je m'empêche. Il y a des Français qui ne s'empêchent pas, avait dit Levesque. Alors eux non plus, ce ne sont pas des hommes. Il était entré sous sa tente, pâle comme un linge. Quand il réfléchissait, Jacques se rendait compte que c'était de ce vieil instituteur perdu maintenant de vue qu'il avait appris le plus de choses sur son père. Un homme dur, amer, qui avait travaillé toute sa vie, avait tué sur commande, accepté tout ce qu'il ne pouvait s'éviter, mais qui, quelque part en lui-même, refusait d'être entamé. Un homme pauvre, enfin. Car la pauvreté ne se choisit pas, mais elle peut se garder. Et il essayait d'imaginer, avec le peu qu'il savait par sa mère, le même homme, 9 ans plus tard, marié, père de 2 enfants, ayant conquis une situation un peu meilleure, et rappelé à Alger pour la mobilisation. Le long voyage de nuit avec la femme patiente et les enfants insupportables, la séparation à la gare, et puis, 3 jours après, dans le petit appartement de Bellecour, son arrivée soudaine dans le beau costume rouge et bleu à culotte bouffante du régiment des Zouaves, suant sous la laine épaisse dans la chaleur de juillet, le canotier à la main, parce qu'il n'y avait ni chez chien ni casque, après avoir quitté clandestinement le dépôt sous les voûtes des quais et couru pour venir embrasser ses enfants et sa femme avant l'embarquement du soir pour la France qu'il n'avait jamais vue, sur la mer qui ne l'avait jamais portée, et il les avait embrassés fortement, brièvement, il était reparti du même pas, et la femme au petit balcon lui avait fait un signe auquel il avait répondu en pleine course, se retournant pour agiter le canotier, avant de se remettre à courir dans la rue grise de poussière et de chaleur, et de disparaître devant le cinéma plus loin, dans la lumière éclatante du matin, pour ne plus jamais revenir. Le reste, il fallait l'imaginer, non pas à travers ce que pouvait lui dire sa mère, qui ne pouvait même pas avoir l'idée de l'histoire ni de la géographie, qui savait seulement qu'elle vivait sur de la terre près de la mer, que la France était de l'autre côté de cette mer qu'elle non plus n'avait jamais parcourue, la France étant d'ailleurs un lieu obscur, perdu dans une nuit indécise, où l'on abordait par un port appelé Marseille, qu'elle imaginait comme le port d'Alger, où brillait une ville qu'on disait très belle et qui s'appelait Paris, où enfin se trouvait une région appelée l'Alsace dont venaient les parents de son mari qui avaient fui, il y avait longtemps de cela, devant des ennemis appelés Allemands, pour s'installer en Algérie, région qu'il fallait reprendre aux mêmes ennemis, lesquels avaient toujours été méchants et cruels, particulièrement avec les Français, et sans raison aucune. Les Français étaient toujours obligés de se défendre contre ces hommes querelleurs et implacables. C'était là, avec l'Espagne, qu'elle ne pouvait situer, mais qui en tout cas n'était pas loin, dont ses parents, Mahonnais, étaient partis, il y avait aussi longtemps que les parents de son mari, pour venir en Algérie parce qu'il crevait de faim à Mahon, dont elle ne savait même pas que c'était une île, ne sachant d'ailleurs pas ce qu'était une île, puisqu'elle n'en avait jamais vu. Des autres pays, le nom la frappait parfois sans qu'elle puisse le prononcer toujours correctement. Et dans tous les cas, elle n'avait jamais entendu parler de l'Autriche-Hongrie ni de la Serbie. La Russie était comme l'Angleterre, un nom difficile. Elle ignorait ce qu'était un archiduc et elle n'aurait jamais pu former les quatre syllabes de Sarajevo. La guerre était là, comme un vilain nuage, gros de menaces obscures, mais qu'on ne pouvait empêcher d'envahir le ciel, pas plus qu'on ne pouvait empêcher l'arrivée des sauterelles et les orages dévastateurs qui fondaient sur les plateaux algériens. Les Allemands forçaient la France à la guerre une fois de plus, et on allait souffrir. Il n'y avait pas de cause à cela, elle ne savait pas l'histoire de France, ni ce qu'était l'histoire. Elle connaissait un peu la sienne, et à peine celle de ceux qu'elle aimait, et ceux qu'elle aimait devaient souffrir comme elle. Il avait fallu quitter la ferme où l'on préparait déjà les vendanges, et son mari maintenant était parti dans son beau costume multicolore. Il fallait revenir bientôt, tout le monde le disait. Les Allemands seraient punis, mais en attendant, il fallait trouver du travail. Heureusement, un voisin avait dit à la grand-mère qu'on avait besoin de femmes à la cartoucherie de l'arsenal militaire, et elle aurait la chance de travailler pendant 10 heures à ranger des petits tubes de carton suivant leur grosseur et leur couleur. Elle pouvait apporter de l'argent à la grand-mère. Les enfants auraient à manger jusqu'à ce que les Allemands soient punis et qu'Henri revienne. Bien sûr, elle ne savait pas s'il y avait un front russe, ni ce qu'était un front, ni que la guerre pouvait s'étendre aux Balkans, au Moyen-Orient, à la planète. Tout se passait en France. Tout se passait là-bas, en effet. Et les troupes d'Afrique, et parmi elles Henri Cormery, transportées aussi vite que l'on pouvait, menées telles quelles dans une région mystérieuse dont on parlait, la Marne. On n'avait pas eu le temps de leur trouver des casques. Le soleil n'était pas assez fort pour tuer les couleurs comme en Algérie. Si bien que des vagues d'Algériens, arabes, français, vêtus de tons éclatants et pimpants, coiffés de chapeaux de paille, cibles rouges et bleues qu'on pouvait apercevoir à des centaines de mètres, montaient par paquets au feu, était détruit par paquets, et commençait d'engraisser un territoire étroit sur lequel, pendant 4 ans, des hommes venus du monde entier, tapis dans des tanières de boue, s'accrocheraient, mètre par mètre, sous un ciel hérissé d'obus éclairants, d'obus miaulant pendant que tonitruaient les grands barrages qui annonçaient les 20 assauts. Mais pour le moment, il n'y avait pas de tanières, seulement les troupes d'Afrique, qui fondaient sous le feu comme des poupées de cire multicolores. Et chaque jour, des centaines d'orphelins naissaient dans tous les coins d'Algérie, arabes et français, fils et filles sans père, qui devraient ensuite apprendre à vivre sans leçon et sans héritage. Quelques semaines. Et puis un dimanche matin, sur le petit palier intérieur de l'unique étage, entre l'escalier et les 2 cabinets sans lumière, trou noir aménagé à la turque dans la maçonnerie, sans cesse nettoyé au grésil et sans cesse puant. Lucie Cormery et sa mère étaient assises sur 2 chaises basses, triant les lentilles sous la lumière de l'imposte au-dessus de l'escalier. Et le bébé, dans une petite corbeille à linge, suçait une carotte pleine de sa bave. Quand un monsieur, grave et bien habillé, avait surgi dans l'escalier avec une sorte de pli. Les 2 femmes surprises avaient posé les assiettes où elles triaient les lentilles. Et le monsieur avait dit qu'il était le maire, qu'il apportait une douloureuse nouvelle, que son mari était mort au champ d'honneur, et que la France, qui le pleurait en même temps qu'elle, était fière de lui. Lucie Cormery ne l'avait pas entendu, mais s'était levée et lui tendait la main avec beaucoup de respect. La grand-mère s'était dressée, la main sur la bouche, et répétait « Mon Dieu, en espagnol ». Le monsieur avait gardé la main de Lucie dans sa main, puis l'avait encore serrée dans ses deux mains, avait murmuré des paroles de consolation, et puis il lui avait donné son pli, s'était retourné et avait descendu les escaliers d'un pas lourd. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» avait demandé Lucie. « Henri est mort, il a été tué. » Lucie regardait le pli qu'elle n'ouvrait pas, ni elle ni sa mère ne savaient lire. Elle le retournait sans mot dire, sans une larme, incapable d'imaginer cette mort si lointaine, au fond d'une nuit inconnue. Et puis elle avait mis le pli dans la poche de son tablier de cuisine, était passée près de l'enfant sans le regarder, était allée dans la chambre qu'elle partageait avec ses deux enfants, avait fermé la porte et les persiennes de la fenêtre qui donnait sur la cour, et s'était étendue sur son lit où elle était restée muette et sans larmes, pendant de longues heures, à serrer dans sa poche le pli qu'elle ne pouvait lire, et à regarder dans le noir le malheur qu'elle ne comprenait pas. Oh oui, c'était ainsi, la vie de cet enfant avait été ainsi, la vie avait été ainsi dans l'île pauvre du quartier, liée par la nécessité toute nue, au milieu d'une famille infirme et ignorante, avec son jeune sang grondant, un appétit dévorant de la vie, l'intelligence farouche et avide, et tout au long, un délire de joie coupé par les brusques coups d'arrêt que lui infligeait un monde inconnu, le laissant alors décontenancé, mais vite repris, cherchant à comprendre, à savoir, à assimiler ce monde qu'il ne connaissait pas, et l'assimilant en effet parce qu'il l'abordait avidement, sans essayer de s'y faufiler, avec bonne volonté mais sans bassesse, et sans jamais manquer finalement d'une certitude tranquille, une assurance, oui, puisqu'elle assurait qu'il parviendrait à tout ce qu'il voulait et que rien jamais ne lui serait impossible de ce qui est de ce monde et de ce monde seulement. Se préparant, et préparé aussi par la nudité de son enfance, à se trouver à sa place partout, parce qu'il ne désirait aucune place, mais seulement la joie, les êtres libres, la force et tout ce que la vie a de bon, de mystérieux et qui ne s'achète ni ne s'achètera jamais. Se préparant même, à force de pauvreté, à être capable un jour de recevoir l'argent sans jamais l'avoir demandé et sans jamais lui être soumis, tel qu'il était maintenant, lui, Jacques, à 40 ans, régnant sur tant de choses et si certain cependant d'être moins que le plus humble, et rien en tout cas auprès de sa mère. Oui, il avait vécu ainsi dans les jeux de la mer, du vent, de la rue, sous le poids de l'été et les lourdes pluies du bref hiver, sans père, sans tradition transmise, et avançant à travers les êtres et les choses, la connaissance qui s'ouvrait à lui pour se fabriquer quelque chose qui ressemblait à une conduite, suffisante en ce moment pour les circonstances qui s'offraient à lui, insuffisante plus tard devant le cancer du monde, et pour se créer sa propre tradition. Mais était-ce là tout ? Ses gestes, ses jeux, cette audace, cette fougue, la famille, la lampe à pétrole, et l'escalier noir, les palmes dans le vent, la naissance et le baptême dans la mer, et pour finir, ces étés obscurs et laborieux. Il y avait cela, ah oui, c'était ainsi, mais il y avait aussi la part obscure de l'être, ce qui en lui, pendant toutes ces années, avait remué sourdement comme ces eaux profondes qui, sous la terre, au fond des labyrinthes rocheux, n'ont jamais vu la lumière du jour, et reflètent cependant une lueur sourde, on ne sait d'où venue, aspiré peut-être du centre rougeoyant de la terre par des capillaires pierreux vers l'air noir de ses antres enfouis et où des végétaux gluants prennent encore leur nourriture pour vivre, là où toute vie semblait impossible. Et ce mouvement aveugle en lui, qui n'avait jamais cessé, qu'il éprouvait encore maintenant, feu noir enfoui en lui, comme un de ces feux de tourbe éteints à la surface, mais dont la combustion reste à l'intérieur, déplaçant les fissures extérieures de la tourbe et ses grossiers remous végétaux, de sorte que la surface boueuse a les mêmes mouvements que la tourbe des marais, et de ces ondulations épaisses et insensibles naissaient encore en lui, jour après jour, les plus violents et les plus terribles de ses désirs, comme ses angoisses désertiques, ses nostalgies les plus fécondes, ses brusques exigences de nudité, de sobriété, son aspiration à n'être rien aussi. Oui, ce mouvement obscur à travers toutes ces années, s'accordait avec cet immense pays autour de lui dont, tout enfant, il avait senti la pesée, avec l'immense mer devant lui et derrière lui cet espace interminable de montagnes, de plateaux et de déserts qu'on appelait l'intérieur. Et entre les deux, le danger permanent dont personne ne parlait parce qu'il paraissait naturel, mais que Jacques percevait lorsque, dans la petite ferme aux pièces voûtées aux murs de chaux de Birmandres, la tante passait, au moment du coucher, dans les chambres pour voir si on avait bien tiré les énormes verrous sur les volets de bois plein et épais. Pays où précisément il se sentait jeté, comme s'il était le premier habitant ou le premier conquérant, débarquant là où la foi de la force régnait encore et où la justice était faite pour châtier impitoyablement ce que les mœurs n'avaient pu prévenir. Avec autour de lui ce peuple attirant et inquiétant, proche et séparé, qu'on côtoyait au long des journées. Et parfois l'amitié naissait et la camaraderie. Et le soir venu, ils se retiraient pourtant dans leurs maisons inconnues, où l'on ne pénétrait jamais, barricadés aussi avec leurs femmes qu'on ne voyait jamais, ou si on les voyait dans la rue, on ne savait pas qui elles étaient, avec leur voile à mi-visage et leurs beaux yeux sensuels et doux au-dessus du linge blanc. Et ils étaient si nombreux dans les quartiers où ils étaient concentrés, si nombreux, que par leur seul nombre, bien que résignés et fatigués, ils faisaient planer une menace invisible qu'on reniflait dans l'air des rues certains soirs, où une bagarre éclatait entre un Français et un Arabe, de la même manière qu'elle aurait éclaté entre deux Français et deux Arabes, mais elle n'était pas accueillie de la même façon. Et les Arabes du quartier, vêtus de leur bleu de chauve délavé ou de leur djellaba misérable, approchaient lentement, venant de tous côtés, d'un mouvement continu, jusqu'à ce que la masse peu à peu agglutinée éjecte de son épaisseur, sans violence, par le seul mouvement de sa réunion, les quelques Français attirés par les témoins de la bagarre, et que le Français qui se battait, reculant, se trouve tout d'un coup en face de son adversaire et d'une foule de visages sombres et fermés, qui lui auraient enlevé tout courage si justement il n'avait pas été élevé dans ce pays et n'avait su que seul le courage permettait d'y vivre. Et il faisait face alors à cette foule menaçante et qui ne menaçait rien pourtant, sinon par sa présence et le mouvement qu'elle ne pouvait s'empêcher de prendre. Et la plupart du temps, c'était eux qui maintenaient l'Arabe qui se battait avec fureur et ivresse pour le faire partir avant l'arrivée des agents, vite prévenus et vite rendus, et qui embarquaient sans discussion les combattants. Oui, ces racines obscures et entremêlées qui le rattachaient à cette terre splendide et effrayante, à ces jours brûlants comme à ces soirs rapides à serrer le cœur, et qui avaient été comme une seconde vie, plus vrai peut-être sous les apparences quotidiennes de la première vie, et dont l'histoire aurait été faite par une suite de désirs obscurs et de sensations puissantes et indescriptibles, l'odeur des écoles, des écuries du quartier, des lessives sur les mains de sa mère, des jasmins et des chèvrefeuilles sur les hauts quartiers, des pages du dictionnaire et des livres dévorés, et l'odeur suie des cabinets chez lui ou à la quincaillerie, la chaleur des camarades préférés et l'amour des corps depuis sa plus tendre enfance, de leur beauté qui le faisait rire de bonheur sur les plages, de leur tiédeur qui l'attirait sans trêve, sans idée précise, animalement, non pour les posséder, ce qu'ils ne savaient pas faire, mais simplement entrer dans leur rayonnement, s'appuyer de l'épaule contre l'épaule du camarade, avec un grand sentiment d'abandon et de confiance, et défaillir presque lorsque la main d'une femme dans l'encombrement des tramways touchait un peu longuement la sienne, le désir, oui, de vivre encore, de se mêler à ce que la terre avait de plus chaud, ce que sans le savoir il attendait de sa mère, qu'il n'obtenait pas, ou peut-être n'osait pas obtenir. Dans cette obscurité en lui, prenait naissance cette ardeur affamée, cette folie de vivre qu'il avait toujours habitée, et même aujourd'hui gardait son être intact, rendant simplement plus amer, au milieu de sa famille retrouvée devant les images de son enfance, le sentiment soudain terrible que le temps de la jeunesse s'enfuyait, telle cette femme qu'il avait aimée, oh oui, il l'avait aimée d'un grand amour, de tout le cœur et le corps aussi, oui, le désir était royal avec elle, et le monde, quand il se retirait d'elle avec un grand cri muet au moment de la jouissance, retrouvait son ordre brûlant. Et il l'avait aimée à cause de sa beauté et de cette folie de vivre, généreuse et désespérée, qui était la sienne et qui lui faisait refuser que le temps puisse passer, bien qu'elle sût qu'il passât à ce moment même, ne voulant pas qu'on puisse dire d'elle un jour qu'elle était encore jeune, mais restée jeune au contraire, toujours jeune, éclatant en sanglots un jour où lui avait dit en riant que la jeunesse passait et que les jours déclinaient. « oh non, disait-elle dans les larmes, j'aime tant l'amour. » Et, intelligente et supérieure à tant d'égards, peut-être justement parce qu'elle était vraiment intelligente et supérieure, elle refusait le monde tel qu'il était. Comme en séjour ou retourner pour un bref séjour dans le pays étranger où elle était née, et ses visites funèbres des tantes dont on lui disait « c'est la dernière fois que tu les vois ». Et en effet, leur visage, leur corps, leur ruine, et elle voulait partir en criant. Ou bien ses dîners de famille sur une table brodée par une arrière-grand-mère qui était morte depuis longtemps, et à qui personne ne pensait, sauf elle, qui pensait à sa jeune arrière-grand-mère, à ses plaisirs, à son appétit de vivre comme elle, merveilleusement belle dans l'éclat de sa jeunesse. Et tout le monde la complimentait à cette table autour de laquelle s'étalaient au mur les portraits de femmes jeunes et belles qui étaient celles-là même qui la complimentaient et qui étaient décrépites et fatiguées. Alors le sang en feu, elle voulait fuir vers un pays où personne ne vieillirait ni ne mourrait, où la beauté serait impérissable, la vie serait toujours sauvage et éclatante, et qui n'existait pas. Elle pleurait dans ses bras au retour, et il l'aimait désespérément. Et lui aussi, plus qu'elle peut-être, puisque né sur une terre sans aïeux et sans mémoire, où l'anéantissement de ceux qui l'avaient précédé avait été plus total encore, et où la vieillesse ne trouvait aucun des secours de la mélancolie qu'elle reçoit dans les pays de civilisation, lui, comme une lame solitaire et toujours vibrante et destinée à être brisée d'un coup et à jamais, une pure passion de vivre affrontée à une mort totale, sentait aujourd'hui la vie, la jeunesse, les êtres lui échapper sans pouvoir les sauver en rien, et abandonné seulement à l'espoir aveugle que cette force obscure qui pendant tant d'années l'avait soulevé au-dessus des jours, nourrie sans mesure, égale au plus dur des circonstances, lui fournirait aussi, et de la même générosité inlassable qu'elle lui avait donné ses raisons de vivre, des raisons de vieillir et de mourir sans révolte. J'ai peut-être le temps de vous lire une lettre qu'il a écrite à son instituteur quand il a reçu le prix Nobel. 19 novembre 1957. Cher monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur. Mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus. C'était Le premier homme d'Albert Camus. Extrait choisi et lu par Françoise Fabian, enregistré le 25 juillet 1994 dans le cloître de l'Hospice Saint-Louis, à l'initiative de la SACD. Prise de son, Bernard Charron, Frédéric Sordoyer.